On va revenir sur l'expo tout à fait exceptionnel qui est survenu dimanche dernier, c'est à Lévis, alors que les Mélina Perron, on va parler plus de Mélina parce qu'on est à Dolbeau, et évidemment, Mélina fait partie du Centre civique. Ben, elle et son équipe, c'est à une place pour le tournoi des Cascottes, qui est l'équivalent du Brier, mais du côté féminin. Hier, on a parlé avec Mélina, là maintenant, on va parler avec son entraîneur Joël Gagné. Bon après-midi, Joël. Oui, bonjour à vous tous. Joël, on va parler un peu plus de Mélina parce qu'on est à Dolbeau, c'est tout à fait normal. Oui, tout à fait. Mais c'est incroyable ce qui s'est passé la semaine passée. Écoute, je connais rien au curling. Par contre, je connais le tournoi des Cascottes. Tout le monde connaît les Cascottes. Puis je suis un petit peu évidemment à raison de TSN puis de RDS. Puis c'est diffusé partout à grandeur du pays. C'est un événement. C'est pratiquement historique ce qui s'est passé dimanche. Ben moi je pense que, écoutez, Curling Canada sont en train de vérifier si ce n'est pas la plus jeune équipe à ne se présenter au Cœur Scott, aux Canadiens, en 37 ans d'histoire du Scotties. Oui, comme exploit formidable, fantastique, écoutez, il n'y a pas de mots. L'entraîneur ne peut être que plus que satisfait des joueuses de l'équipe. Évidemment, c'est un exploit qu'on commence à peine à réaliser. C'est un exploit, écoutez, il y a environ un mois, on n'était même pas inscrit à ce tournoi-là. Non, c'est ça. Il n'était même pas dans nos objectifs. C'est Curling Québec qui, parce que du côté féminin, pour ce championnat-là, il prenait 8 équipes, mais il y avait seulement 5 équipes de dames inscrites. Puis, ils ont offert la possibilité aux équipes juniors de pouvoir participer. Alors nous, on a accepté l'invitation. On allait là avec très peu d'attente, là. On s'est donné un objectif d'essayer, de tenter d'obtenir une fiche positive. Alors c'est ce qu'on a réussi in extremis à faire vendredi soir. Puis après, ben toutes les étoiles, les nuages, tout ce que vous pouvez imaginer s'est aligné pour nous. Puis ça a été vraiment extraordinaire, là, la suite des événements. Mais c'est quoi, écoute, je veux pas manquer de respect du tout, du tout, du tout envers eux autres, puis c'est incroyable ce qu'ils ont fait. Mais est-ce que, Joël, on est à peu près de la même âge. Lorsqu'on est jeune, on est enthousiaste. Est-ce que c'est l'insouciance de la jeunesse qui les a aidés quelque part? Ça se peut-tu? Insouciance de la jeunesse, je vous dirais plus ou moins, ces 4 filles-là sont des filles qui ont des caractères. Écoutez, moi, ça fait 3 ans que ces 4-là sont ensemble. Les 3 d'Alma, ça fait peut-être un petit peu plus longtemps, puis dont 2 depuis encore plus longtemps. Puis, c'est des jeunes filles qui sont des adultes avant leur temps. Je pense que c'est ce qui commence à paraître, là. Puis, entre autres, écoutez, au niveau attitude, au niveau tempérament, au niveau, écoutez, ils s'encouragent sur la glace. Oui, je vais détecter comme entraîneur des fois des détails, des petites choses, ou des fois je leur dis, ce match-là, les filles, là, vous aviez pas le feu dans les yeux. Vous aviez l'air à des filles qui avaient juste hâte que ça finisse. Mais la plupart du temps, je leur dis avant les parties, gars, je veux voir des filles qui sont sur la glace pour gagner. Puis c'est ce qui s'est produit toute la semaine passée, là. OK. C'est quoi écoute, la suite des choses? Parce que là, vous savez comme moi que les Cœur Scott, écoute, là, puis vous risquez d'être le centre d'attraction là-bas parce qu'écoute, là, si au Québec, si le curling, c'est pas populaire, au Canada anglais, c'est extrêmement populaire, c'est tout le contraire. Là, TSN va être en direct, RDS, on va les voir par RDS aussi. Sauf que vous risquez d'arriver là-bas et être le centre d'attraction parce que l'exploit que vous avez réalisé, ça va se parler partout à travers le pays. Est-ce que Oui. comment qu'on va focusser là-dessus? Écoutez, Gardez focus là. depuis dimanche, là, écoutez, là, ça fait 2 jours qu'on est sollicité de toutes parts par les médias. Dans les médias sociaux, on a peine à suivre. Et on a une page Facebook Équipe Gagnée. Ça explose les messages là-dessus. Là, moi, je pense que je vais mieux dormir à partir de ce soir parce que là, le stress, l'énervement, puis en plus de toutes les gens qui nous abordent. Moi, hier, aujourd'hui, c'est que là, il faut régler les contacts avec Curling Canada, les agences de voyage, en fait, tout ce qu'il y a à préparer. C'est au niveau des équipements, c'est au niveau de tout, tout, tout. Là, les choses commencent à se mettre en place, il reste des petites choses à régler. Mais là, à partir ce midi, on a tenu une pratique d'équipe ici au club à Riverbend. puis possiblement une ou deux autres encore avant, puis parce que Mélina étant de Dolbeau, ben oui, elle pratique à son club là-bas, mais les quatre ensemble, des fois, c'est un petit peu plus difficile parce qu'on a trouvé la disponibilité de tout le monde, ils ont des petits travaux, ils travaillent... ils ont parce que là, la vie continue au travers de ça, là. La vie continue. Alors là, moi, je pense que... En tout cas, moi, je réalise aujourd'hui, moi-même, comme entraîneur, puis comme père aussi, hein, c'est des fois, c'est assez émotif. Puis là, je pense qu'on réalise dans quoi on est embarqué. Ce qui me fait moins peur un petit peu, c'est que c'est, bon, Emilia, Marie-Pierre, bon, les quatre ont déjà fait un tournoi au niveau canadien, mais ouais, c'est un international. Mais les Emilia et Marie-Pierre, entre autres, ont déjà joué dans un aréna dans le même genre de tournoi qu'on va être. C'est juste que là, oui, c'est encore plus gros parce que c'est la télévision. Il y a des séances d'autographes, il y a tout ça, il va y avoir ça à gérer. Ça, c'est peut-être mon rôle à ce moment-là. Est-ce que vous allez vous donner quand même? Parce que ça, là, on rentre dans vraiment quelque chose de très gros. Là. À un moment donné, vous allez-tu vous donner du temps? Vous allez dire entre telle heure et telle heure? Puis je pense que c'est ça qu'il faudrait que vous fassiez. Ça va être les médias, ça va être tout ce qui tourne autour. Et par la suite, c'est fini. Est-ce que c'est demain que vous allez entrevoir ça? Oui, ça va être mon rôle avec comme coach avec les filles. Écoutez, moi, il y a les, oui, il y a des parents qui sont en train de s'organiser pour venir aussi. Ouais. Maintenant, moi, ça sera pas, moi, je veux pas gérer les parents. Là. Je veux non, pas non, gérer non, c'est l'équipe. Je veux gérer les quatre filles, puis on a une cinquième joueuse de Québec qui va nous accompagner parce qu'on a le droit d'avoir une cinquième joueuse qui a vécu aussi déjà des juniors canadiens. Puis on a fait le choix d'apporter une autre junior, junior qui est à sa dernière année, parce que tant qu'à vivre l'événement en équipe junior, ben on va le vivre jusqu'au bout en junior. Donc, on a une cinquième joueuse. Fait que moi, je vais gérer les cinq joueuses et tout ce qui se passe. Puis, évidemment, je ne gérerai pas les événements autour. Moi, à partir de maintenant, avec les filles, là, j'ai dit aux filles, regarde, là, c'est du repos. La poussière tombe. Maintenant, on est en mode préparation. On est en mode, regarde, là, il faut que la pression tombe. À la semaine prochaine, ben peut-être une autre pratique. Puis après ça, ben à partir du moment où on se rejoint, puis c'est le départ pour l'aventure, là, ça va être de gérer la partie stress. Moi, j'ai dit à ma fille Emilia tout à l'heure, il va falloir, à partir du moment où on met les pieds pour le début des pratiques d'avant-match, ben il va falloir être concentré et se dire, regarde, c'est ma glace. On a un match à jouer contre une équipe, peu importe laquelle. Qu'est-ce qu'on a à faire? Ben, c'est à chaque fois qu'une fille prend la poignée d'une pierre, ben, elle doit faire son maximum. Elle doit, dans sa tête, voir, regarde, je réussis ce que la capitaine me demande. OK, OK. Dites-moi, est-ce que du côté aussi du financement, parce qu'hier, je vous écoutais hier au 80 à Planète Alma avec Claude Bergeron mentionner que, bon, les coffres sont à vide. Est-ce que depuis, parce que là, il est 16h46, au moment où est-ce qu'on enregistre le podcast, est-ce que vous avez déjà eu des contacts, est-ce qu'il y a des gens qui vous ont aidé, qui vous ont appelé pour vous aider du côté financement, parce que c'est en Colombie-Britannique, c'est pas à côté, là. Non, c'est pas à côté. Bon, il y a des, oui, nos coffres étaient à vide, parce qu'entre autres, la compétition qu'on est allé faire, ben, c'était des sous aussi, hein. On a dû dépenser un 1500, 2000$ facile la semaine dernière. En ce qui a trait au financement, bon, le fait de gagner le championnat provincial, ministère des Loisirs et Curling Québec, bon, nous alloue un montant, mais c'est pas, c'est des beaux montants, mais c'est pas faramineux. Curling Canada, nous, on a donné les grandeurs de vêtements. Ça, c'est fourni par Curling Canada. On a des chambres d'hôtel de fournies pour l'équipe, donc moi, avec les joueuses, mais c'est remboursé aux deux tiers. Là. C'est pas à 100% comme ça l'était auparavant. Il y a eu des changements dans leur politique. Ouais. Les repas, tout ça, bon, là, j'ai comme... écoutez, les guides sont en anglais, je suis francophone, je fais mon possible, j'en comprends le trois quarts peut-être, des fois, il y a des mots qui m'échappent, mais ce que j'ai compris, c'est que Kruger, le commanditaire principal qui produit les Scotties, nous alloue certaines sommes également. Il y aura une bourse de rattaché à la position qu'on occupera une fois rendu là-bas, mais évidemment, écoutez, il y a en pleine partie, moi j'avais évalué que ça prenait peut-être un 4 ou 5 000 supplémentaires, parce que moi ce que je veux, c'est le matin quand on va déjeuner, ben, quand la serveuse demande les factures, vous m'en faites une pour l'équipe, je veux être capable de payer. pour avoir le contrôle sur ce qu'elles mangent, sur la préparation, puis que le trip en équipe se vive, là. Puis, par contre, là, ici, les gens, écoutez, à notre club ici à Riverbend, ce midi, à un moment donné, quelqu'un est venu me voir, puis garde à l'autre bout sur le comptoir, ben, on a pris une grosse cruche d'eau, puis on a mis une étiquette dessus, puis on vous demande d'effectuer des dons pour équipe gagnée. Donc, ouais. Je pense qu'il y a un gros mouvement autour qui s'organise. On a déjà des commanditaires. Une des mères s'occupe beaucoup, là, parce que là, moi, j'ai le travail aussi. Ben oui, on a tout un travail. Vous avez tout un travail, je comprends tout ça. Là. Oui. Dites-moi, comment vous allez être perçu par les autres formations? Parce qu'historiquement, de ce que je me rappelle, le Québec, c'est plus ou moins concluant au tournoi des Cœurs Scouts. Là, vous arrivez avec une équipe junior. Tu sais, c'est dans une compétition majeure de seniors. Puis historiquement, je pense que le Québec, ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné. Je me trompe peut-être. Le curling, c'est pas le sport que je suis le plus, mais historiquement, je pense que ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné. Comment vous allez être perçu par les autres équipes? Vous pensez? Je suis pas le meilleur pour connaître l'histoire. Je crois que la dernière victoire aux Scotties remonte dans les années, début des années 80. Mais bon, OK, c'est ça. OK. On a eu des équipes, vous avez les Marie-France Larouche. Ouais, ouais, OK. Ouais. Ils ont fait des fois les derniers matchs, puis je me souviens bien, peut-être même les finales du Canadien, du Scotties. Mais comment on va être perçu? Comme vous avez dit, ben on va peut-être un peu être les regarder de haut, hein? Regarder de puis peut-être moi j'ai l'impression que les autres équipes je m'imagine qu'on va être encouragé un petit peu par tout le monde. Ouais. Tout le monde va vouloir savoir qu'est-ce que cette équipe-là va faire. Ben oui. Écoutez, moi ce qu'on va faire, c'est on va se donner des objectifs étape par étape, parce qu'il y a la première préliminaire, il y a 16 équipes, ils font deux blocs de 8. Donc dans notre bloc, on affronte les 7 autres d'abord. Donc il va falloir se donner un objectif dans ce bloc-là. Dépendamment du classement, il y a une suite après, donc là, on se mettra un autre objectif. Okay. Moi, je mets pas à notre équipe un objectif au départ, dire, ben, on va aller gagner le Scotties, puis on s'en va au Mondial. On n'est peut-être pas rendu là. Non. Mais, en fait, j'ai dit la même chose la semaine passée, puis finalement, on est rendu au Scotties, au Canadien. Mais on n'est peut-être pas rendu au même niveau que certaines équipes qui sont là, mais écoutez, les filles vont jouer contre les meilleurs au Canada de chacune des provinces, territoires et le reste. Là. Ah ouais. C'est un rêve. Jusqu'où le rêve ira, on le verra, mais peu importe les résultats, moi, ce que je souhaite, c'est que les gens comprennent. Je deviens émotif un peu, mais d'aller chercher le maximum d'expérience, parce que c'est peut-être pas, on espère que ce sera pas le dernier. Donc, est-ce qu'on y retournera dans peut-être pas tout de suite l'année prochaine, mais dans 2, 3, 4, 5 ans, 10 ans, 12 ans, parce que là, il y a plusieurs années de curling, si les filles continuent, ça doit quelque part. Il y a des familles qui vont venir, là, que ça va peut-être influencer aussi, mais je pense qu'en tout cas, il y a un beau potentiel. Puis on va aller chercher de l'expérience. Et moi aussi, comme entraîneur, là, les entraîneurs qui se retrouvent là, c'est des entraîneurs d'expérience. Il y en a qui en font une carrière. Moi, j'ai mon travail. Au Québec, on fait ça bénévolement. Puis on a de la difficulté, des fois, à avoir nos congés. Puis c'est particulier. Là. OK. Ben, c'est sûr, c'est un autre monde. Quand on va au Canada anglais, puis au Québec, c'est carrément un autre monde. Là. Oui, oui, oui. Nous, on va parler plus de hockey et tout ça. Ah, là, nous, ce qui est beau aussi, c'est que là, on fait voir le curling à travers la région, à travers la province, puis on va faire parler de nous un peu partout au Canada, puis je suis convaincu que, écoutez, à l'international, il y a des gens qui suivent ce qui se passe en Canada. Vous allez être le centre d'attraction, j'ai l'impression, au Canada anglais, ça va être incroyable. J'ai un collègue entraîneur du Québec, là, monsieur... Daniel Charrette, qui présentement est sur un projet, il est parti entraîner des équipes universitaires en Chine. Okay. Puis, écoutez, il nous suivait en fin de semaine, me suggérait des choses. C'est fantastique aujourd'hui avec les médias. Là, on est partout à la fois. Là. Dites-moi, est-ce que Shawinigan, parce qu'il y a un tournoi des juniors en fin de semaine à Shawinigan, est-ce que ça n'aurait pas été une préparation pour les Scots ou En fait, c'est l'équivalent, mais chez les juniors. Oui. Hein? Donc, nous, le provincial junior avait lieu dans le temps des fêtes à Boucherville. OK. C'était notre objectif cette année d'aller au Canadien junior, surtout ouais. Que j'ai au Québec, à grand-mère Shawinigan. Malheureusement, lors de cette semaine-là, les filles ont eu un petit peu plus de difficultés. Ils ont perdu un premier match où ça n'allait pas du tout. Ils ont joué deux beaux matchs, mais quand tu perds des fois à la dernière pierre, parce que les adversaires, ils tirent des bons matchs aussi. On s'est classé en quatrième position. On a réussi à se rendre à la demi-finale, qui a très bien débuté, mais qui, finalement, bon, on a perdu en demi-finale. Donc, là, il y avait une déception de ce côté-là. Par contre, puis là, l'équipe qui a remporté, on a eu la médaille de bronze. L'équipe qui a remporté la médaille d'or, l'équipe de Laurie Saint-Georges, ben, elle était qualifiée pour le championnat canadien junior qui se déroule à Grand-Mère. Mais comme il y avait un conflit avec la participation provinciale Scotties, c'est pour ça que Curling Canada, Québec avait invité... dans le fond, il avait invité quatre équipes juniors, mais il avait dit celle qui va gagner le provincial, qui va aller au canadien junior, ben, elle va aller à Grand-Mère, parce que ça aussi, ça débutait, et il devait être là jeudi, vendredi dernier. Donc, il y avait un conflit d'horaire. Donc là, il invitait la deuxième, troisième, quatrième position à se joindre aux Dames du Québec pour faire un beau tournoi à huit équipes à Etchemin-Lévis où on a été reçus, où on a été accueillis. Puis en demi-finale, on a battu l'équipe de Marie-France Larouche dans son propre club, devant ses partisans. Écoutez, il y avait plus de 250 personnes. Ça criait, ça applaudissait quand Marie-France Larouche faisait des super bons coups, leur équipe. Mais quand nous, on arrivait avec nos répliques, les bons coups, puis... Ben, ça doit se parler, là, il passe, puis c'est ce qui reste sympathique, quelque part. On applaudissait aussi, puis je peux vous dire que le lendemain, ben là, écoutez, on était déjà l'équipe Cendrillon d'être en demi-finale, puis le lendemain, en finale, là, les supporters étaient rendus, je sentais que la vague était rendue de notre côté, là. OK. Dernière question, puis on va se laisser là-dessus, M. Gagnier. La victoire de dimanche, est-ce que ça va changer vos plans pour l'équipe de passer du junior au senior plus vite ou ça ne change rien? Ben, écoutez, si ça ne change rien, on se fait toujours en fin d'année des petites rencontres pour la planification, puis qu'est-ce que les joueuses aussi font l'an prochain quand ça commence à étudier. C'est ce qui est difficile dans le junior. Hein. Des fois, il y en a qui vont être rendus à l'université ou qui vont faire d'autres choix au niveau des cégeps. Puis c'est pas toujours évident quand ils sont séparés. Là, j'ai la chance d'avoir trois filles à Alma, une à Dolbeau, c'est quand même pas trop loin. Ouais. Là, les mots m'échappent, mais... Êtes-vous là? Oui, je suis là. Okay. Je m'excuse, là, j'ai perdu l'idée que okay, je m'en allais. Okay. Oui, pour l'an prochain. Ben écoutez, l'an prochain, les filles sont encore au moins deux années juniors, les quatre ensemble. Il y en a qui peuvent, comme Mélina chez vous, elle peut même faire une autre année. Donc, les deux prochaines années dans le junior, c'est sûr qu'ils vont faire le provincial puis tenter d'aller au Canadien junior. Mais maintenant qu'on joue aussi avec les adultes, ben probablement que ça, on essaiera de poursuivre de ce côté-là, mais là les attentes, je pense que les équipes vont nous connaître, puis on nous prendra plus à la légère. Là. OK. Donc on rappelle, c'est du 27 janvier au 4 février. Tout ça, vous allez pouvoir voir les matchs sur RDS et TSN. 66 heures de programmation. Hein. 66 heures, c'est quand même beaucoup, là. Donc pour vous donner quand même vu comment TSN présente ça, là. Donc, à chaque séance, il y a toujours une équipe qui est à la télévision, mais ça ne veut pas dire que nous, on sera le match principal diffusé. Par contre, des fois, en fin de bout, tout ça, ils vont aller montrer les dernières pierres des bouts pour aussi montrer les pointages. Quand le match principal se termine plus tôt, des fois, ils vont transférer. Nos matchs se passent bien et tout, puis on va aller voir la fin du match d'équipe Québec, là, nos jeunes, où est-ce qu'ils en sont. C'est sûr que ça va faire jaser, puis qu'on risque, comme vous dites, d'être un peu l'attraction là-bas, ça va être notre but, notre objectif, ça va être de bien gérer tout ça aussi. Ben, c'est la clé, parce qu'il faut... donner le maximum sur la glace. Effectivement. Ben, on s'en reparle, on va se tenir au courant quand vous serez en Colombie-Britannique pour la préparation, Joël. Oui, tout à fait. Joël Gagné, l'instructeur de l'équipe de Mélina Perron, qui va représenter le Québec au championnat des cœurs Scott qui aura lieu à Colombie-Britannique du 27 janvier au 4 février.